raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Moi, il y a... Moi, Sylvie, wie geht es dir? Gut, an dir? Wat misst du an der Stadt? Mosch kin akhafen. Ich muss auf de Markt gehen. Ich brauch Obst a Gemäß. Ich geh mit. Ich brauch ein bisschen Käse und ein Bouquet Blumen. Wir gehen den Abend bei Freunden auf Besuch. Un dialogue typique pour un samedi matin en ville où on va au marché et peut-être acheter quelques fleurs pour offrir à des amis chez qui on est invité le soir. Ce sera pour nous l'occasion de faire connaissance avec la formation du pluriel en luxembourgeois et d'enrichir un peu notre vocabulaire. La formation du pluriel est un peu compliquée par le fait qu'il y a plusieurs variations possibles, dont la plus fréquente est une terminaison en « n » qui s'ajoute au singulier. « Ein Blum », une fleur, « zwei Blumen ». « Ein Tulp », une tulipe, « zwei Tulpen ». « Ein Raus », une rose, « zwei Rosen ». Une deuxième variation assez fréquente est une terminaison en « er ». De Busch, la forêt, Buschoch, Geschäft, le magasin, Geschäftoch. D'autres mots restent inchangés au pluriel. De Chon, le soulier, Chon, les souliers. Et les mots qui se terminent en Chen ont un pluriel en Echa, comme Mädchen, la fille, qui devient Mädorchor. Ou le Breitchen, le petit pain, qui devient des Breidosha. Les variations restantes, nous les découvrirons au fur et à mesure. Reprenons maintenant notre petit dialogue introductif. Moje Sylvie, wie geht es dir? Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Gut an dir. Bien, et toi? Was misst du an der Stadt? Que fais-tu en ville? Ich gehe nach Hafen. Ich muss auf den Markt gehen. Ich brauche Obst à Gemüse. Je vais faire des courses. Je dois aller au marché. J'ai besoin de fruits et de légumes. Ich gehe mit. Ich brauche ein bisschen Käse und ein Bouquet Blumen. Wir gehen den Abend bei Freunden auf Besuch. Je t'accompagne. Il me faut un peu de fromage et un bouquet de fleurs. Nous allons voir des amis ce soir. Pas de problème avec le début de ce dialogue. Moje Sylvie, wie geht es dir? Gut an dir. Wat misst du an der Stadt? Le miss est la deuxième personne singulière du verbe irrégulier machen, dont nous avons déjà vu la tournure dat mischt zusammen. Cela fait en tout. An der Stadt exprime l'endroit. Nous avons donc affaire à un datif ou complément d'objet indirect. Quand on dit « je vais en ville », donc quand on exprime une direction, le luxembourgeois exige un accusatif ou complément d'objet direct, ce qui donne « ich gehe an Stadt ». Donc « ich bin an der Stadt », je suis en ville, « ich gehe an Stadt », je vais en ville. À Kaffen se traduit par faire des courses, mais on peut aussi dire Kommissione machen. Ich gehe Kommissione machen. Ich muss auf den Markt gehen. Le verbe irrégulier müssen est ce qu'on appelle un modalverbe, c'est-à-dire un verbe qui modifie un autre état ou une autre action. Dans notre cas, müssen modifie le verbe aller. Gehen. Op de Markt exprime bien sûr à nouveau une direction, donc un accusatif. Si l'on est au marché, on dit op dem Markt. Ich bin op dem Markt. Or, les Luxembourgeois qui aiment faire des contractions ne diront jamais ich bin op dem Markt, mais simplement ich bin um Markt. Um étant la contraction de op dem. Ich brauche Obst à Gemüse. Brauchen est aussi un modalverbe. Obst et Gemüse sont deux noms collectifs qui n'ont qu'une seule forme. Ich brauche a bisschen Käse. A bisschen veut dire un peu et Käse est le fromage en général. Et bien sûr, vous savez tous que les Luxembourgeois se croient les inventeurs du fameux Karkäse qui n'est en fait que de la cancaillotte. Anne Bouquet Blumen, Blumen avec un pluriel en un, comme nous venons de le voir. D'ailleurs, le pluriel du mot français bouquet, bouquet, se forme aussi en en, bouquet-en. Wir gehen den Abend bei Freunden auf Besuch. Den Abend veut dire ce soir. Freund est le pluriel de Freund. Un Freund est un ami. Freunde sont des amis. Au féminin singulier, nous avons eine Freundin et au pluriel Freundinnen. Donc là, la terminaison au pluriel se fait en nen, c'est-à-dire le n est doublé et on ajoute un en. Au masculin, par contre, le de Freund est remplacé par un deuxième n au pluriel. Freund, Freund. Auf Besuch veut dire en visite. Et pour faire une petite révision du tout début, wo wohnen denn Freund? Sie wohnen à Frankreich, zu Metz. À wo sie sie? Sie sind aus England, fu London. Ich fuhren den Abend à Frankreich, ob Metz. Bei mein Freund ob Besuch. Und das wäret für haut. C'est tout pour aujourd'hui.